Voilà, c'est l'intempestive. On écoute aujourd'hui une conférence donnée par Gérard Noiriel à l'Université populaire de Gennevilliers, début janvier. Gérard Noiriel est historien, membre du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Il fait partie des démissionnaires de la Cité nationale de l'immigration suite à la création du ministère de l'Identité nationale. Il revient précisément aujourd'hui sur cette notion d'identité nationale, sur sa construction et ses usages par le pouvoir. Il le fait à partir de deux livres qu'il vient d'écrire, « À quoi sert l'identité nationale ?» paru aux éditions Agone en 2007 et « Immigration, antisémitisme et racisme en France 19e-20e siècle, discours public, humiliation privée » paru chez Fayard. Bon, mais ce travail donc, qui s'appelle « Immigration, antisémitisme et racisme en France 19e-20e siècle », c'est la somme de 25 années de recherche que j'ai commencé effectivement à Longwy et que j'ai poursuivi après sur un thème qui me tient à cœur également pour des raisons personnelles et sur lequel je suis revenu, je dirais, sans cesse sous des formes différentes parce que évidemment, ce sont des questions qu'on peut aborder sous des angles très variés. Et en plus, ce sont malheureusement des thèmes qui restent d'actualité. Et ce livre, je l'ai écrit dans un contexte d'actualité que vous avez tous en tête, qui était le contexte de ce ministre de l'Intérieur qui dénonçait les racailles, hein, donc en novembre 2005. Pour moi, il y a une continuité, si vous voulez, dans ce type de langage public. Et ce que j'ai voulu analyser, c'est l'effet que le langage public produit sur les gens qui le reçoivent et qui ne peuvent pas répondre directement. Ils peuvent répondre d'autres manières, évidemment. Le plus important dans ce livre, c'est le sous-titre « Discours public, humiliation privée ». Parce que ce que je me suis rendu compte en changeant de milieu par rapport à mes propres origines sociales, c'est que très souvent, les gens qui font partie de l'élite, moi ce que j'appelle les professionnels de la parole publique, ne se rendent même pas compte des effets de leur discours. Ils sont tellement habitués. Moi, j'en fais pas une dénonciation. C'est une analyse que j'ai essayé de développer de manière objective hein, sur les effets de la parole, finalement, sur les personnes. Ça, je dirais que c'est un des axes essentiels de mon travail. Au bout du compte, c'est ce livre qui explique pourquoi, lorsque ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale a été créé par donc, le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, et le ministre Brice Hortefeux, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution pour des gens comme moi que de démissionner, parce qu'il arrive un moment où vous devez assumer vos responsabilités. Moi, j'avais beaucoup investi dans ce projet, parce que j'espérais le développer, comme vous faites ici, sur l'angle aussi d'une université populaire, de faire en sorte que des gens qui sont exclus du système universitaire, vu comme il est construit, enfin, vu toutes les formes de discrimination qui peuvent exister, puissent trouver des moyens aussi de se réaliser, puisque moi, je suis quand même le produit de ce type de trajectoire. Et je le dois beaucoup à la politique, puisque c'est grâce, je dirais, à l'investissement politique que j'ai découvert un intérêt pour la recherche. Hein. Sinon, je n'en voyais pas. Tant que j'étais dans le système scolaire, je dirais classique, ça me paraissait totalement inintéressant. Et moi, j'ai eu la chance d'être étudiant à une époque, dans les années 70, où il y avait une forte effervescence. On croyait à la politique. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai investi aussi dans la recherche. Et je crois que c'est quelque chose qui se situe presque en amont du politique. Quand le projet de cité de l'immigration, que moi, j'avais défendu dès mon livre « Le creuset français », qu'on avait essayé de monter avec la gauche, et la gauche a peut-être foutu de le concrétiser, et finalement, la droite l'a récupéré, on n'avait pas de raison de faire un procès d'intention. À partir du moment où le projet de la cité était resté le même, c'est-à-dire changer le regard sur l'immigration, on a continué à y travailler. Mais à partir du moment où on a eu un changement dans le discours et qu'on a vu ressurgir tout ce vieux discours Front National là, sur l'identité nationale et toutes ces horreurs, il n'était plus possible de rester. Mais là, ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est justement cette thématique du rapport entre le discours public et les humiliations privées. Je préfère ce vocabulaire maintenant plutôt que le vocabulaire classique de l'antiracisme. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre. J'en ai écrit un petit d'ailleurs depuis qui s'appelle « Racisme, la responsabilité des élites ». Parce que on voit aujourd'hui des mutations dans le langage, si vous voulez, qui expliquent qu'on peut avoir des lois qui vont réprimer le racisme, mais que vous avez toute une série de gens qui vont fabriquer des discours qui finalement alimentent ce qu'on appelle le racisme, la xénophobie, etc., mais qui, eux, vont échapper complètement aux lois parce que la législation, elle n'est pas adaptée. Bon, je pense évidemment à tous ces reportages à la télévision sur les banlieues, toutes ces présentations des jeunes, toujours sous l'angle de la délinquance, vous avez eu tous ces horreurs là sur les tournantes, enfin j'en parle un peu dans le livre, on a eu le sentiment d'avoir reculé de 150 ans. Hein. C'était un recul de 150 ans dans la représentation des classes populaires qui était faite par la télévision dans les années, début des années 90. Voilà, c'est une manière d'intervenir dans le champ, je dirais, politique, mais en se situant presque en amont, c'est-à-dire au niveau de la construction des représentations que les gens ont dans la tête. Et je crois que c'est important de se mobiliser là-dessus, parce que, si vous voulez, par exemple, si vous lisez les dernières enquêtes de la Commission consultative des droits de l'homme, vous voyez qu'encore aujourd'hui, vous avez plus de 50% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, alors que les statistiques prouvent que le nombre des étrangers est en diminution. Vous avez le tiers des Français qui considèrent que les musulmans ne sont pas des Français comme les autres. On se dit aujourd'hui, au début du 21e siècle, qu'on puisse encore avoir des représentations comme celle-ci qui soient fortement répandues dans la population, c'est quand même très inquiétant. Et moi, je le ressens toujours comme une sorte de défaite personnelle, si vous voulez. Quand depuis très longtemps, vous êtes investi, vous avez cru que par votre travail, par le débat, par l'engagement militant, vous réussiriez à faire reculer ces visions haineuses et ces stéréotypes, et qu'on les voit encore aussi présentes, bon, ben, vous vous dites quelque part, il faut aussi remettre son travail sur l'établi, se dire où est-ce que ça ne va pas dans ce que j'ai fait moi-même, pas toujours considérer que les autres sont responsables. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris, donc ce que j'explique dans l'introduction, j'ai repris mon propre travail, c'était le Creuset français, qui était le livre qui m'avait un petit peu fait connaître dans le public, où j'avais un peu élargi des choses que j'avais expérimentées et découvertes à Longwy, d'ailleurs, sur l'importance de l'immigration dans l'histoire contemporaine de la France. Mais j'ai repris donc ce livre en montrant aussi ses limites, en montrant que ce qui était dépassé aujourd'hui, et en essayant donc aussi de tenir compte de toutes les recherches qui avaient été faites depuis, et bien en me plaçant donc sous cet angle, finalement, du langage et de la construction des représentations. Et c'était dans ce contexte des événements de novembre 2005 et de cette insulte donc de racaille. Et parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai tout un chapitre sur l'histoire du mot racaille. C'est un mot qui est très marqué politiquement en France. Hein. C'était vraiment le vocabulaire de l'extrême droite des années 30. Hein. Le terme racaille et métèque, c'était les deux mots qui étaient le plus employés. Donc, ce n'est pas un vocabulaire neutre, si vous voulez, même s'il y a une sorte d'inconscient. Hein, je ne dis pas que c'était conscient chez Nicolas Sarkozy, mais il y a une sorte d'inconscient, je dirais, à droite qui ressurgit comme ça dans tous les moments clés. Et donc, il faut aussi que nous, en tant qu'historiens, on fasse ce travail de, vous voyez, c'est un peu comme les psychanalystes de la société, pour faire ressurgir un petit peu cet inconscient politique. Mais ce qui m'avait intéressé, si vous voulez, dans cet épisode, c'est aussi la réaction, vous savez. La réaction, bon, les jeunes qui se sont mobilisés, ce n'est pas la seule cause, mais c'est l'une des raisons des violences qui ont pu se produire, ou même des associations qui se sont créées, etc., pour s'opposer, donc, faire entendre une parole contestant ce terme. Et pourquoi ça m'intéressait ? Parce que moi, j'ai fait de l'histoire ouvrière au début. Donc ma thèse, c'était sur les ouvriers sidérurgistes et les mineurs. Voilà. Puis après, j'ai écrit un livre en collection Point sur les ouvriers dans la société française. Et ça me rappelait vraiment tout à fait, oui, un comportement ouvrier, de résistance ouvrière, qui était très ancien, en fait. Et je vais vous prendre un exemple qui, pour moi, était tout à fait significatif. C'est un exemple qui a été développé par un historien qui s'appelle Louis Chevalier, qui a écrit un livre qui est un classique, « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Lui, il a travaillé sur le début du 19e siècle, la monarchie de Juillet, hein, dans les années 1840, si vous voulez, 1830-1840. À cette époque-là, je ne sais plus exactement la date, 1840, quelque chose comme ça, vous avez un certain Victor Hugo, hein, qui était de droite à l'époque, au début. C'est un des rares, il a commencé à droite, il a fini à gauche, Victor Hugo. Souvent, c'est le contraire, mais bon. Et donc, il avait été élu à l'Académie française, il a fait son discours, et dans son discours, il avait parlé de la populace. Pas dit racaille, il avait dit populace. Or, ce mot populace, il n'est plus trop employé aujourd'hui, mais c'était une insulte, hein, c'était ressenti comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des ouvriers qui tenaient un journal, c'est le début des journaux ouvriers, hein, notamment un menuisier qui s'appelait Jacques Vinçard, et eh ben, il a répondu à Victor Hugo. Et il lui a dit, ben non, nous ne sommes pas une populace, faut arrêter de nous insulter constamment. Et donc, il a, dans le journal qui s'appelait La Ruche ouvrière, je crois, ou dans l'atelier, vous aviez constamment, les ouvriers écrivaient, mais en disant, arrêtez, aux journalistes de l'époque, mais arrêtez de nous présenter toujours comme des alcooliques, comme des, hein, dans les bas-fonds de Paris, etc. Bon. Donc, il s'est mobilisé, il a envoyé ce texte, et c'est là qu'on voit que Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Victor Hugo, puisque, oui, c'est un scoop peut-être, mais Nicolas Sarkozy, vous savez, a persisté, hein, et encore aujourd'hui, j'ai bien fait, etc., etc. Alors que Victor Hugo, lui, ça l'a fortement ébranlé. Ça l'a fortement ébranlé, parce qu'il n'avait pas conscience, justement, que ce terme qu'il avait employé comme ça, parce que voilà, il appartenait à l'élite, il avait une vision, une représentation négative du monde ouvrier, etc. Et du coup, vous voyez, et c'est ça pour moi la démocratie. Ceux qui sont victimes d'un discours négatif doivent pouvoir avoir la possibilité de répondre. Et ben, si on ne leur laisse pas la possibilité de répondre par l'écriture, par la culture, par l'expression écrite ou artistique, etc., eh bien évidemment, il ne reste qu'un moyen, c'est la violence. Et une raison majeure de la violence populaire tient à des considérations de ce type-là. Voyez ? Donc, c'est moi depuis longtemps, je dis ça, je veux dire, la logique répressive, c'est la logique de facilité. Il faut faire avancer les gens, il faut les transformer, leur donner les moyens d'exprimer leur révolte. C'est des gens qui ne peuvent pas leur identité constituer à partir d'une révolte, parce qu'ils vivent dans l'injustice, dans l'humiliation, etc. Mais leur donner des ressources qui leur permettent de le faire en respectant eux aussi les autres et la démocratie. Voilà un petit peu le fil conducteur qui m'a animé. Et donc voilà, si vous voulez, voyez, moi je conçois mon travail comme ça. J'ai été beaucoup marqué par les gens de la génération d'avant, notamment Pierre Bourdieu et Michel Foucault. Hein. Et là, pour le coup, c'est la démarche que Michel Foucault encourageait en disant, eh bien, c'est finalement la société qui nous donne nos questions. C'est la société, c'est le mouvement social, ce sont les luttes, les formes de résistance qui nous donnent nos questions. Mais nous, notre travail, c'est évidemment de les réélaborer. Sinon, c'est de la démagogie. On n'a pas, nous, à faire la même chose que les acteurs de la vie sociale. Il faut construire à partir de là des problèmes. Donc le problème que j'ai élaboré, ça a été justement d'analyser le lien entre la construction des discours publics et la réception de ces discours. Parce que même dans le champ de la recherche, si vous voulez, eh bien, ce sont des choses qui sont souvent séparées. Vous avez des spécialistes de l'analyse du discours, des spécialistes de l'analyse de la réception, mais le lien entre les deux, ce n'est pas suffisamment fait, à mon avis. Voilà, alors, j'ai mis en œuvre après, évidemment, la démarche de l'historien, et je me suis interrogé, mais je me suis dit, mais finalement, quand est-ce que c'est né cet espace qu'on appelle l'espace public? Donc j'ai fait une genèse, une généalogie de l'espace public, et je me suis rendu compte que le moment fondamental dans lequel nous vivons encore, quelque part, eh bien, c'est le début de la Troisième République. Pour moi, je dis souvent, 1889, c'est plus important que 1789. 1889, qu'est-ce que c'est? C'est la première loi sur la nationalité française. Et donc, cette période, vraiment, on voit en quelques années des transformations extraordinaires dans tous les domaines. Donc, il y a une véritable rupture. Et cette rupture, elle s'explique par quoi? Par un fait majeur, c'est l'intégration des classes populaires au sein de l'État national. Avant 1870, avant la Troisième République, vous aviez une séparation majeure entre justement classe laborieuse, classe dangereuse, hein, c'est-à-dire le peuple était vu comme dangereux. Quand on lit les articles ou les livres de l'élite de l'époque, on parlait des nations ouvrières, de la nation paysanne. Le mot nation s'appliquait pour désigner des classes sociales à l'époque. Alors vous aviez le peuple d'un côté et puis les élites de l'autre, les notables. Vous avez une séparation entre les deux milieux qui était fondamentale. Et les élites, par exemple, des différents pays d'Europe, eh bien, étaient très proches les unes des autres et se considéraient plus proches que, si vous voulez, leur propre peuple. Donc il y avait cette rupture fondamentale. Et c'est à mettre au crédit de la Troisième République, à partir de 1870, on a un processus de démocratisation. Donc ce processus de démocratisation, il se traduit premièrement par la démocratisation de la vie politique. La France était le pays d'Europe où le droit de vote, ce qu'on appelle le suffrage universel, en oubliant toujours qu'il était masculin jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais en gros, depuis 1848, effectivement, en France, les classes populaires avaient le droit de vote, paysans, ouvriers, etc. Mais Napoléon III maintenait une pression pour empêcher la libre expression politique. Donc la Troisième République a démocratisé l'accès à la vie politique, ça c'est le premier point. Deuxième point plus connu, c'est les lois de Jules Ferry sur l'école. Donc on a une diffusion très importante de la culture écrite au sein de la société française. Lié à cela, quelque chose de totalement fondamental, un point que j'avais pas, sur lequel je n'avais pas assez insisté avant dans mes précédents travaux, c'est l'apparition de la presse de masse. Cette période, c'est une période fondamentale dans l'invention du journalisme au sens, je dirais, actuel du terme. Beaucoup de gens croient que, on dit aujourd'hui les médias, tout ça, ils croient que tout ça, ça vient de la télé. Pas du tout. La télévision a évidemment accentué le processus avec des moyens considérables, mais pratiquement tout ce qu'on reproche aujourd'hui aux médias, eh bien, vous trouvez des gens qui le reprochaient aux journalistes de la fin du 19e siècle. Si vous voulez, au moment de la Commune, 1870, vous aviez à peu près des lecteurs de quotidien, du journal quotidien, vous aviez à peu près 1 million de lecteurs. 25 ans après, vous en avez 10 millions. Vous avez donc une mutation extraordinaire. Donc, la nationalisation de la société française, elle se produit, je dirais, 10 à 15 ans après la Commune. Le problème majeur qui va se poser pour les journalistes, ça va être la conquête d'un marché. Et c'est là qu'on voit vraiment le capitalisme pénétrer dans le monde de la presse. Donc, on a de nouveaux journaux qui apparaissent avec des capitaux, une concentration de capitaux, enfin bon, et des entrepreneurs. C'est à l'américaine avec 50 ans de retard à peu près. Et on a à ce moment-là ce qu'on appelait les millionnaires. On a 4 grands journaux qui ont plus d'un million de lecteurs. Et ces journaux, pour moi, jouent un rôle majeur parce qu'ils construisent ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est la télévision qui fait ça. Je lisais dans une thèse qui a été faite sur le jeu consacré au journal télévisé qu'aujourd'hui, à peu près 70% des Français se font une opinion politique en regardant le journal du 20h. Donc, si vous voulez, là, c'est un univers auquel vous n'accédez pas. Moi, je n'ai jamais été invité. Je suppose que vous non plus. C'est un monde auquel on n'a pas accès, parce que c'est là que se tient le pouvoir. Vous voyez ? Bon, ben ça, ce phénomène, on le voit se produire au début de la Troisième République, en ce qui concerne donc la presse. On a la presse de masse, elle s'est tenue par des gens. Mais ces gens-là, vous voyez, ils ont un discours apolitique en apparence. Ce n'est pas eux qui vont véhiculer des discours explicitement xénophobes, etc., etc. Ils construisent les préjugés qui, après, sont politisés. Ça, c'est très important de faire la distinction entre les deux niveaux, parce que je crois que c'est essentiel. Alors, à l'époque, évidemment, c'est le début de la xénophobie, du nationalisme et de l'antisémitisme. Donc, on voit très bien le lien qui se met en place entre la naissance. Alors, c'est paradoxal, c'est contradictoire. D'un côté, vous avez une liberté. C'est la loi 1881 sur la liberté de la presse. Quelques années après cette loi sur la liberté, eh bien, vous avez le nationalisme qui apparaît dans sa forme moderne. Le livre d'Édouard Drumont, donc inventeur, si on peut dire, de l'antisémitisme en France, son livre s'appelle « La France juive », il date de 1886, 5 ans après le début de la liberté de la presse. Moi, j'ai fait un parallèle entre cette période et la période plus récente, des années 1980. Le parallèle qu'on peut faire, c'est que l'arrivée de la gauche a été le point de départ de la libéralisation des ondes et le début donc de l'information spectacle, le traitement de justement des problèmes sociaux à partir du fait divers, de la mise en scène, etc. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle l'espace public, tel qu'il se met en place à la fin du 19e siècle, c'est le résultat, à mon avis, donc, de l'intégration des classes populaires au sein donc, de l'État national. Désormais, le peuple est devenu un enjeu majeur. Un enjeu pour les journalistes, parce qu'il faut conquérir un marché des lecteurs, et un enjeu pour la politique, parce que désormais, c'est celui qui a le plus grand nombre de voix, qui gagne et qui donc prend le pouvoir. Et c'est un moment aussi extrêmement important, parce que c'est à ce moment-là qu'on constate le processus que les sociologues appellent la professionnalisation de ses fonctions. On a une division du travail, avec trois professions qui, auparavant, étaient confondues. Marx, par exemple, c'est ce que j'appelle, moi, un homme complet. Il était à la fois journaliste, à la fois philosophe, à la fois militant politique, etc. Bon, à partir de la fin du 19e siècle, ça devient peut-être pas impossible. Il y a peut-être quelques génies qui réussissent à concilier, mais de plus en plus improbable. Il y a une spécialisation qui se produit, et donc une spécialisation dans l'activité politique, profession politique, avec des partis qui se bureaucratisent aussi, qui ont besoin donc d'avoir des permanents, qui partent à la conquête des suffrages, etc. Des journalistes aussi qui se professionnalisent. Hein. Et c'est l'invention à ce moment-là du reporter. Vous avez des reporters, les journaux investissent dans des nouvelles fonctions journalistiques, les reporters qui vont sur les champs de bataille et qui racontent les guerres. Enfin bon. Puis les reporters qui vont aussi au commissariat tous les soirs. C'est ce qu'on appelle les faits diversiers. Ils font le tour des commissariats pour aller chercher justement les faits divers, etc. et remplissent le journal de cela. Et puis le troisième pôle de la professionnalisation, c'est aussi la professionnalisation du monde universitaire. C'est le pôle de l'expertise qui se met en place. Donc on a vraiment là les trois grands discours sur la société, journalistique, politique et universitaire, expertise, si vous voulez, qui apparaissent à ce moment-là. Et quelle est la conséquence majeure de l'intégration des classes populaires? Ah ben, si vous voulez, la frontière entre eux et nous, qui auparavant c'était nous les élites et eux le peuple, eh bien désormais on a un nous français, eux les étrangers. Puis après, eux, les colonisés, parce que la République bascule vers la colonisation à peu près au même moment. Et ça, c'est extrêmement important dans la représentation de la société. Moi, j'ai comparé des enquêtes qui avaient été faites dans les années 1860. Vous aviez pas mal d'érudits qui partaient, qui visitaient la France et qui racontaient dans les livres ce qu'ils voyaient. Audigan, par exemple. Bon, il parlait des classes ouvrières, c'était souvent employé au pluriel. Bon, ben, Audigan, par exemple, il fait un voyage comme ça à travers la France. Il va à Marseille, il va dans le nord de la France, etc. À Marseille, par exemple, à l'époque, il y a autant d'étrangers proportionnellement qu'aujourd'hui. Hein. Bon, eh bien, Audigan ne les voit pas. Pas une seule fois, il ne parle des étrangers. Il parle des ouvriers. Ce qui l'inquiète, c'est de voir les progrès du socialisme, etc., etc. Mais le regard qu'il porte sur la société n'est pas construit à partir de ce critère. Parce que le peuple, c'est le peuple. À l'époque, les élites ne savaient pas qui était français, qui ne l'était pas dans le peuple. Ça formait une sorte de masse indifférenciée. Vous prenez les mêmes enquêtes, 20 ans ou 30 ans plus tard, vous n'avez plus que ça. On ne voit que des étrangers. À Marseille, c'est à ce moment-là que débutent les rixes entre ouvriers français et italiens. C'est là, après, vous avez Aigues-Mortes, le massacre d'Aigues-Mortes, etc. Donc on voit qu'en 30 ans, vous avez une transformation considérable de la vision de la société qui s'est produite, alors même que la société, sur le fond, n'a pas tellement changé. L'immigration avait déjà débuté auparavant, mais on ne la voyait pas comme ça. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important, évidemment, par rapport à mon travail sur les représentations. Donc, vous avez là des éléments qui vont donner du grain à moudre, on pourrait dire, aux nationalistes. Puisque le discours politique sur la nation, il est apparu, disons, en gros, à la fin du XVIIIe siècle. Il a été consacré pendant la Révolution française. Et il a été complété au début du XIXe siècle, notamment en Allemagne, par un mouvement politique qu'on a appelé le principe des nationalités, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au départ, jusque dans les années 1860, tout le discours sur la nation, c'est un discours de gauche, on pourrait dire, hein, avec les termes d'aujourd'hui. C'est un discours progressiste. Les gens qui défendent la nation, qui défendent ce qu'on appellerait aujourd'hui l'identité nationale, je reviendrai tout à l'heure si vous voulez sur cette expression-là, eh bien sont des gens qui sont engagés dans des luttes contre la noblesse, pour la démocratie. Donc il y a un lien à l'époque entre discours national, désir de démocratie, etc. Mais ce qui se produit à la fin du XIXe siècle, c'est un renversement du discours sur la nation. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'on a vu se reproduire la même chose en France, entre les années 70 et les années 80. L'expression « identité nationale » en France, elle a été mise en circulation, pas par la droite, mais par l'extrême gauche au départ. par les militants régionalistes notamment, les Corses, les Occitans, etc., en disant « notre nation est brimée ». Et dans les années 80, Le Pen, le Front National, a retourné le discours sur la nation. Quelque chose qui était progressiste, qui militait pour davantage d'ouverture, de liberté, et s'est renversé en un discours conservateur. Et ça, c'est une constante dans le débat politique sur la nation. On a tout au long de l'histoire, depuis le 19e siècle, des mutations, des inversions. Et donc la fin du 19e siècle, c'est un moment important d'inversion et de transformation d'un discours progressiste en discours conservateur. Dimmelo Pietro Gori, dove sei? Sono a Portoferraio a lavorare. Qua siamo nelle mani dei giudei. Lavoro loro e me lo danno il rame. O Pietro Gori, sorti dalla tomba, che c'è l'Italia è priva di istruzione. Tu mala testa sona alla la tromba e dai lo squillo alla rivoluzione. Toujours sur FPP dans l'intempestive, après cet hommage à l'anarchiste italien Pietro Gori par le groupe OZ, on revient avec Gérard Noiriel qui s'en était arrêté à la mutation dans les discours sur l'identité nationale à la fin du 19e siècle. Sur la base de ce processus de démocratisation, eh bien, on voit apparaître une bipolarisation de la vie politique française. C'est l'enjeu majeur de l'affaire Dreyfus. Ça a été en France extrêmement important parce que le clivage droite-gauche tel qu'il a fonctionné, j'allais dire, jusque dans les années 1980, je ne suis plus sûr qu'aujourd'hui soit tout à fait la même chose, hein. Le clivage, la bipolarisation entre la droite et la gauche, telle qu'on l'a connue quasiment tout au long du XXe siècle, eh bien, elle se met en place au moment de l'affaire Dreyfus. D'un côté, vous avez ce que j'appelle le pôle national sécuritaire. Le pôle national sécuritaire, c'est la droite, qui toujours est à l'offensive sur le national, met en avant le national et le lie à la sécurité, au problème de la sécurité, de l'insécurité. Donc le discours typique de la droite sur la nation, c'est ce qu'on appelle, à mon sens, le nationalisme, puisque celui qui a élaboré, disons, ce discours de la manière la plus détaillée, c'est Maurice Barrès, qui était donc un écrivain, mais aussi un militant politique. Il a été élu député de Nancy en 1893, sur un programme qui était intitulé « Abat les étrangers ». On ne peut pas faire mieux, hein, bon. Eh bien, quand vous lisez Barrès, vous voyez très bien que sa définition de l'identité nationale, il ne disait pas « identité nationale » à l'époque, il disait « l'âme nationale », l'âme, le caractère, etc., etc. Mais la matrice de ce discours, c'est de dire « la nation française est menacée par l'étranger ». C'est aborder la question de l'identité à partir donc d'une menace que fait peser sur elle l'étranger. Alors à l'époque, à la fin du XIXe siècle, la figure de la menace, c'est l'allemand. C'est en raison de la guerre de 70 et puis après de la nouvelle menace de la guerre de 14. Mais ce qui se passe, et ça c'est aussi un aspect répétitif, c'est que dans la rhétorique nationaliste, il y a des stratégies, moi ce que j'appelle de mise en équivalence. Par exemple, Barrès va mettre en équivalence juif et allemand. Hein ? Donc, c'est la thématique du juif allemand. Donc, l'antisémitisme en France, il va être nourri par ça, en disant, ils vous disent qu'ils sont français, mais en fait, c'est des espions des Allemands. Ce sera nouveau comme ça dans les années 30. Et par exemple, les juifs qui étaient persécutés par les nazis et tentaient de trouver refuge en France, l'extrême droite les présentait en fait comme des espions à la solde de Hitler qui faisait semblant d'être persécutés pour pouvoir espionner les Français. Donc ça, c'est une matrice. On verra comment elle s'est recomposée dans la période récente. Mais voyez, l'identité nationale, dans la logique nationaliste, elle est présentée toujours comme la nécessité de se mobiliser pour défendre une identité collective qui est menacée de mort. Et il y a toujours un ton dramatique. Ça, c'est caractéristique aussi. Et c'est toujours dans l'avenir, dans le futur, comme ça. Il n'y a pas besoin de faire ses preuves si c'est dans le futur. Bon, donc on vous annonce toujours des super catastrophes, l'anéantissement de la France, etc. Et ce qui est lié, évidemment, à ça, vous voyez bien pourquoi les conservateurs sont friands de ce discours. C'est un discours qui discrédite les luttes sociales, puisque toute forme de contestation de l'ordre établi est vue comme une entreprise visant à affaiblir la nation. Donc, la cible de l'extrême droite, du nationalisme, vous avez toujours deux cibles qui vont ensemble, le mouvement ouvrier, les syndicalistes, les militants, et les intellectuels. Pas au sens actuel du terme, puisque ce mot aussi, il a été renversé. Aujourd'hui, les intellectuels, tels qu'on les présente à la télévision, ils sont du côté du pouvoir. Mais classiquement, les vrais intellectuels, à l'époque de l'affaire Dreyfus, ils étaient opposés. C'est la définition même de l'intellectuel. Barrès ne se considérait pas, lui, comme un intellectuel. Il a mis en circulation de mots pour dénoncer les intellectuels. Pour lui, c'était les anarchistes, ceux qui voulaient toujours tout critiquer, qui n'aimaient pas la France. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la matrice qui est mise en place à ce moment-là. Et ça marche dans un certain nombre de secteurs de l'opinion. Depuis, évidemment, la grande bourgeoisie, mais aussi les paysans. Enfin, à l'époque, c'est la propriété contre les salariés, hein, la bipolarisation sociale de la France. Et face à ce discours, alors, au moment de l'affaire Dreyfus, vous avez un front qui se constitue, qui va rassembler, je dirais, les humanistes. C'est la Ligue des droits de l'homme qui est créée en 1898, et qui rassemble plutôt des gens de la classe moyenne, des enseignants, à l'époque, il y avait beaucoup aussi de professions libérales, etc. Et ce pôle, qui est relativement peu nombreux, hein, fait alliance avec le mouvement social, les partis ouvriers, qui apparaissent à ce moment-là, dans le contexte aussi des grandes grèves, des grandes luttes de la fin du XIXe siècle. Donc vous avez le Parti ouvrier français, qui est le premier parti marxiste, hein, de Jules Guesde, et puis après, là, SFIO, avec leader charismatique, Jean Jaurès. Et donc, on voit, l'affaire Dreyfus, c'est l'affrontement entre ces deux pôles. Alors, dans le pôle de gauche, on pourrait dire, donc, que j'appelle social-humanitaire, vous avez des frictions, des contradictions entre la gauche et l'extrême-gauche. C'est très proche, en fait, de la matrice encore d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, l'extrême-gauche, elle est antimilitariste. Elle est contre la nation. Pour l'extrême-gauche, il n'y a que la classe qui existe. La nation, ça n'existe pas, c'est de la poudre aux yeux, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, etc., etc. Mais la gauche, moi, ce que j'appelle la gauche de gouvernement, la gauche, vous voyez, qui espère gagner les élections, ces leaders sont bien conscients que la thématique nationale, elle a quand même de l'impact dans l'opinion. Et qu'on ne peut pas, si on vise à avoir 5% des voix, bon, là, on peut dire, la nation, c'est rien, ça n'existe pas, etc. Mais si on veut rassembler, vous voyez, une majorité d'électeurs, on ne peut quand même pas faire autrement que de prendre en considération cette thématique-là. Et Jaurès va tenter d'élaborer donc un discours sur, on pourrait dire aujourd'hui, l'identité nationale, mais un discours de gauche. Je vous dis ça parce que ça, vous vous souvenez de la campagne électorale, on l'a vu ressurgir avec Sarkozy et Ségolène Royal. Et ce qu'on constate, c'est que la gauche est toujours mal à l'aise avec ces trucs-là. C'est jamais la gauche qui met sur le devant de la scène, sauf peut-être, il y a eu quelques époques, peut-être le Parti communiste dans les années 50 ou après la résistance, etc. Mais globalement, vous voyez, globalement, c'est la droite qui met en avant le discours sur le national et la gauche qui met en avant le discours social, mais qui est obligée des fois de répondre. Alors, la réponse que Jaurès, par exemple, avait faite, c'était défendre, dans un livre qui s'appelle « L'armée nouvelle », hein, ça tournait autour de l'armée à l'époque, parce qu'il y avait les risques de guerre et tout ça. Aujourd'hui, c'est la police, mais à l'époque, c'était l'armée. Et donc, Jaurès développe un discours sur la démocratisation de l'armée et puis une conception patriotique de la nation, c'est-à-dire une nation porter les valeurs universelles de la France, disons, à travers le monde. Bon, c'est un discours qui n'est pas exempt de contradictions, hein, puisque c'est aussi au nom de ça qu'on a justifié la colonisation, hein, le thème de la civilisation française, etc. Bon, je passe là-dessus. Mais voilà un petit peu, si vous voulez, comment se construit cette bipolarisation dans un contexte, ça j'en ai pas beaucoup parlé, il faut que j'en dise un mot, de développement important de l'immigration. Alors ça, c'est un autre point sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Comment se fait-il que la France ait été l'un des seuls pays, ou en tout cas d'un des des pays où c'est le phénomène est le plus important, d'accueil d'immigrants ou de recrutement d'immigrants dès le 19e siècle. Au 19e siècle, la plupart des pays d'Europe sont encore des pays d'émigration, alors que la France est déjà un pays d'immigration. Vous avez un économiste à la fin 19e qui dit déjà en 1887 que la France ne pourra pas se développer sur le plan industriel sans un recours massif à l'immigration. Et la raison majeure de ce phénomène, c'est en fait une réponse à ce qu'on pourrait dire à la lutte des classes, c'est-à-dire à la force que détenait le peuple en France pour résister aux mutations du capitalisme. Parce que, pour des raisons historiques bien connues, notamment les révolutions, eh bien, le pouvoir avait dû concéder le droit de vote aux ouvriers, aux artisans, aux paysans, dès 1848. C'est-à-dire l'originalité de la France, si vous comparez avec la Grande-Bretagne, c'est qu'en France, on a donné le droit de vote avant d'avoir fait la révolution industrielle. Alors qu'en Grande-Bretagne, c'est l'inverse. Vous avez eu la révolution industrielle et les ouvriers, ça a été très très long le processus donnant le droit de vote aux ouvriers. Donc, vous avez en France, finalement, des classes populaires qui détiennent l'arme du vote. Le deuxième arme que détiennent les classes populaires, c'est qu'il y avait en France un nombre extraordinairement important de petits propriétaires et de petits patrons. La France était le pays des petits propriétaires. Pour des raisons historiques, parce que avant la Révolution, etc., les nobles n'avaient pas pu expulser les paysans de leurs terres, comme ça s'était fait en Angleterre. Donc vous avez des petits paysans, des artisans qui sont accrochés à leur lopin, à leur propriété. Et comment faire alors pour les déraciner? Comment faire pour les faire quitter leur campagne ou leur petite ville et les faire travailler au fond de la mine ou dans les grandes usines? C'est la grande angoisse des capitalistes. Quand j'ai fait mes travaux sur le monde ouvrier, j'ai travaillé sur la sidérurgie, justement. J'ai fait ma thèse sur la sidérurgie lorraine. Eh bien, on voit dans les rapports des conseils d'administration l'angoisse des ingénieurs. Où trouver des ouvriers? Ils ne trouvent pas des ouvriers. Il y a trop de paysans, mais on ne trouve pas d'ouvriers. Voilà le discours qu'on entend. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'immigration va être considérée comme... Il y a deux solutions qui sont développées. C'est un, la mise au travail des femmes. La France a été l'un des pays où le taux d'activité des femmes, notamment dans les classes populaires, était le plus fort. Et le deuxième, c'est le recours massif à l'immigration. Donc, si vous voulez, on peut dire que l'immigration a été, dans le cas français, une composante fondamentale du développement de ce pays. Et c'est pour ça que, si vous voulez, que c'était particulièrement scandaleux de voir que, jusqu'à ces dernières années, il n'y avait aucun endroit symbolique rappelant la dette, finalement, que la France avait à l'égard de l'immigration. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mobilisé autour de ce lieu de mémoire, parce que si on veut faire reculer l'intolérance, il faut déjà commencer par présenter l'histoire d'une manière correcte, ne pas exclure dans la mémoire une composante majeure de la société française. Voilà, alors ce schéma que j'ai présenté un peu longuement sur la fin du 19e siècle, on le voit se reproduire dans l'entre-deux-guerres, avec un paroxysme de la lutte des classes, je dirais, c'est les années 30. Les années 30 sont une période extraordinairement violente à tous les points de vue. C'est pour ça aussi que, en tant qu'historien, on ne peut pas admettre les discours des journalistes nous faisant croire que nous sommes dans une société de plus en plus violente. C'est absolument faux. Nous n'avons jamais été dans des sociétés aussi pacifiées qu'aujourd'hui. La guerre d'Algérie, les gens ont vécu dans des atmosphères de guerre qui les concernaient dans leur vie quotidienne. Donc c'était ça le quotidien des gens. Hein. La violence sociale aussi était extrêmement forte. Quand on a parlé de ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue de novembre 2005, ben, si vous comparez avec les luttes ouvrières de 47-48, les luttes de 47-48, Allons-y, notamment, où les ouvriers ont encerclé une compagnie de CRS et ont désarmé une compagnie de CRS. Vous avez eu le mouvement des mineurs dans toute la France. Vous avez eu 80 CRS qui ont été estropiés. Vous avez eu des morts. C'était des mouvements sociaux qui faisaient des morts. Mais vous voyez, le fait d'ignorer toujours l'histoire contribue à la dramatisation du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde beaucoup, beaucoup plus fantasmé aujourd'hui. Les gens voient à la télé, quoi. On voit à la télévision les phénomènes de violence physique et à travers le terrorisme, etc., alors que les générations d'avant vivaient, en France en tout cas, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent la guerre, évidemment, aujourd'hui, mais en France, eh bien, on a une transformation considérable. Mais dans les années 30, vous avez donc un retour de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'opposition du pôle national sécuritaire d'un côté et du pôle social humanitaire de l'autre, et vous avez un mouvement comme ça de va-et-vient, de basculement extrêmement rapide. Vous avez le moment essentiel, c'est le 6 février 1934, vous savez, où l'extrême droite manifeste et on est à deux doigts de faire un coup d'État. Donc vous avez après la gauche qui se rassemble et qui crée le front antifasciste, et c'est le début du mouvement qui amènera la victoire du Front populaire. Mais deux ans après, en 1938, c'est l'inverse, c'est la revanche de la droite, et ça amène Vichy. Je veux dire, voilà, hein, très, très schématiquement, le panorama. Et ce que je voudrais dire par rapport peut-être à aujourd'hui, pour peut-être tirer les leçons de l'histoire, c'est qu'on constate que chaque fois que la gauche a été capable d'unir le pôle humanitaire et le pôle social, elle a été hégémonique, elle a gagné les élections. C'est le cas au moment d'affaire Dreyfus, le bloc des gauches a gagné les élections, c'est le cas en 1936, avec le Front populaire, et c'est aussi le cas en mai 1981. Avec, faut pas oublier que la victoire de Mitterrand, c'est la conséquence de tout un mouvement qui avait commencé après 1968, de rassemblement de ces deux pôles, humanitaire et social. Bon, donc, c'est un argument, je crois, objectif qu'on peut avancer vis-à-vis de ceux qui disent qu'il faut faire de la surenchère sur le sécuritaire par rapport à la droite. Jamais on a vu la gauche gagner en disant encore plus dans le domaine de la sécurité, que la droite. Il y a des logiques. Je veux dire, on ne va pas confier, vous voyez, les gens spontanément qui ont une tendance à soutenir les discours sécuritaires, eh bien, ils vont aller vers les pros, vers ceux qui savent faire. Enfin, je veux dire, il y a une logique politique qu'on retrouve là sur la longue durée. Mais alors, ce que je voulais dire, évidemment, c'est que dans les années 30, il y a une radicalisation des luttes violentes et le nationalisme, là, prend une forme extrême et qui débouche sur Vichy. Et donc, il y a donc moi, je fais un rapport entre ce qui s'est produit sous la Troisième République, tout ce virage à droite de la République qu'on peut suivre avec aussi tout le discours sur l'immigration choisie, par exemple. Ça n'a rien de nouveau, ce discours. À l'époque, on disait indésirable. Le mot, c'était indésirable. Vous avez les immigrés désirables et les indésirables. Ben, les indésirables, on les a mis dans les camps. Les indésirables, c'était les sans-papiers, pour dire, de l'époque, qui venaient de pays dont ils avaient été expulsés, ou qui n'avaient pas de pays, je pense aux Arméniens, bon, ceux qui avaient été chassés, les nazis, etc., ou après les réfugiés franquistes, qui avaient fui le franquisme. On les met dans les camps parce qu'on ne peut pas les expulser, et c'est comme ça que sont nés les premiers camps de la Troisième République, donc à partir de 38-39. Donc il y a une dérive, une surenchère, si vous voulez, qu'on peut mesurer très précisément, qui aboutit donc à préparer les esprits au régime de Vichy. Et le régime de Vichy, eh bien évidemment, par rapport à la question identitaire, c'est le régime qui va mettre en œuvre les lois raciales, ce que la République n'a jamais fait, mais donc les lois d'exclusion raciale qui aboutiront à exclure les Juifs de la fonction publique, et également eh bien, à l'internement des Juifs qui seront livrés après aux nazis. Vous avez à peu près 75 000, entre 75 000 et 80 000 Juifs de France qui seront assassinés dans les camps de concentration à la suite de ce processus. Donc, après la guerre, on a eu une trentaine d'années, je dirais, entre 1945 et la fin des années 70, où tout ce discours identitaire, national, etc., il était complètement discrédité. Parce que les gens qui avaient vécu cette période des années 30, qui avaient vécu la guerre, ben ils avaient vu les effets auxquels on pouvait arriver avec ces discours nationalistes. Et donc, vous avez eu un rejet très important de ce vocabulaire nationaliste, un discrédit de l'extrême droite. Et en même temps, vous avez un mouvement progressiste qui se développe avec la décolonisation, enfin aussi les luttes antiracistes. Donc, les gens de ma génération, je veux dire, qui ont grandi donc, dans cette atmosphère qu'on a appelée les Trente Glorieuses, bon, c'était pas glorieux pour tout le monde, mais enfin, bon, malgré tout, on a grandi dans une époque où on pensait vraiment que tous ces discours, la nation, etc., c'était complètement dépassé. C'était ringard. On voyait le béret, la baguette, etc. Bon, et puis, les années 80, eh bien, on a vu ressurgir cette logique avec l'émergence du Front National. Et donc, pour les gens comme moi, ça a été évidemment un choc. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, sur l'immigration, parce que c'était totalement incompréhensible, quoi. C'était incompréhensible. Et puis, en même temps, comment faire pour lutter contre ? Enfin, bon, je passe sur les détails. Mais ce que j'ai essayé de faire, notamment dans ce livre, c'est d'essayer de dégager des critères objectifs qui pouvaient expliquer ce retournement du discours national. Il y a plusieurs facteurs qui sont tout à fait déterminants. Le premier, le principal, c'est la crise du mouvement ouvrier. La crise du mouvement ouvrier, ben, qu'est-ce que c'est ? C'est justement la liquidation de la sidérurgie, la liquidation des bastions du syndicalisme, aussi du Parti communiste, de toute cette tradition aussi de lutte, parce que le mouvement ouvrier avait défini la société, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes sociaux. Donc, si vous voulez, quand on parlait d'immigration dans les années 70, on disait « travailleurs immigrés ». C'était l'expression « travailleurs immigrés ». Avant, dans les années 30, quand le Parti communiste a créé les sections de langue, etc., on disait « la moille, main d'œuvre immigrée ». Donc, il y avait toujours l'association d'une appartenance sociale, socio-professionnelle, référence au monde ouvrier, et puis de l'immigration. Mais c'était jamais isolé, le mot « immigré ». À partir du moment où on a eu un basculement du discours, on a commencé à isoler ce mot « immigré », on a fabriqué comme ça du fantasme, parce que l'immigré, ben, qu'est-ce que c'est ? Il était, voyez, déconnecté de tout ancrage social, etc. Donc ça, pour moi, la crise du mouvement ouvrier a eu des effets très importants dans la représentation de la société. Bon, il y a d'autres facteurs. Évidemment, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir et le désenchantement rapide de beaucoup de gens, hein, après 81. Ça a été un élément qui a beaucoup contribué. Le troisième élément majeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bouleversement de l'industrie de l'information, hein, le passage donc à la société spectacle. Ça, c'est pas uniquement français, c'est aussi il y a une mondialisation du capitalisme de l'information avec CNN par exemple. Bon, mais on le voit aussi en France avec donc la libéralisation des ondes, la libération de la télévision. La première chaîne vendue à Bouygues, etc., etc. Le phénomène majeur, c'est donc désormais, eh bien, vous avez des luttes de concurrence extraordinaires que se mènent les journalistes et les patrons de ces différentes chaînes. Eh bien, ils vont, comme c'était le cas au XIXe siècle, pour faire de l'audience, ils vont vers le spectaculaire. Donc là, ça va entraîner donc un phénomène de dépolitisation aussi des gens et de plus en plus d'orientation vers le spectaculaire. Et ça se greffe sur les transformations aussi de la vie politique internationale, notamment avec les révolutions en Iran, avec le terrorisme, etc. Donc on a cette matrice, cette nouvelle matrice qui se met en place, qui va lier progressivement, et c'est comme ça que va se construire la nouvelle xénophobie et le nouveau racisme, qui va lier des phénomènes qui, en fait, n'ont aucun point commun. C'est ça aussi une constante du discours xénophobe ou nationaliste, c'est de faire des liens entre des éléments qui n'ont pas de point commun. Par exemple, les problèmes qui peuvent y avoir au Moyen-Orient, ou le terrorisme, Al-Qaïda, etc., et la situation des jeunes dans les banlieues. Ça, c'est un phénomène typique d'amalgame xénophobe qui ne devrait plus exister aujourd'hui, puisque nous savons les effets que ça a eu dans le passé. Je vais vous prendre un seul exemple pour vous dire que tout ça n'est pas nouveau. En 1894, le président de la République française a été assassiné par un immigré italien, hein, un anarchiste italien. Il y a eu des émeutes, hein. Vous avez de la chasse à l'italien dans toute une série de villes de France, etc. Vous avez eu ce discours, amalgamant l'anarchisme, les Italiens, etc., etc. Donc tout ça alimente le même discours sur l'immigration, le danger de l'immigration, etc., etc. Donc on sait comment ça marche, on connaît les effets de ce discours, mais si vous voulez, on l'a vu ressurgir parce que, eh bien, il y avait un intérêt médiatique à fabriquer des scénarios là-dessus. Donc, je vais conclure maintenant en passant très vite sur les autres choses. Évidemment, le problème qui est posé, c'est les formes de réaction, de résistance contre ce retour du discours nationaliste. Alors, bon, moi, je me fais très, très modeste, hein. j'ai pas de recette, hein. Je suis même plutôt obligé de reconnaître que quand j'ai commencé mes recherches, le Front National était à moins de 1% et qu'aujourd'hui, maintenant on peut dire qu'il est à 45%, non, enfin, ça dépend comment si on compte la lepénisation des esprits, etc. Enfin, ce vocabulaire sur l'identité nationale, il était inexistant dans les années 70, aujourd'hui il est majoritaire. Quand on a démissionné, le Brice Hortefeux a voulu nous recevoir. Bon, nous, on est polis, on a été le voir. Et puis, on lui a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, immigration internationale, tout ça, c'est le vieux discours extrême droite. Il a dit, comment ? Mais les sondages montrent que les deux tiers des Français trouvent ça génial. Voilà, il faut bien se dire que on a beau écrire des livres, on a beau faire des conférences, on a beau essayer par tous les moyens de convaincre avec des arguments, il y a un niveau, on passe pas à la rampe, il y a d'autres choses, il y a d'autres mécanismes. Donc je pense qu'il faut aussi analyser ces mécanismes et qu'on manque d'outils pour comprendre les formes actuelles du nationalisme. Parce que ceux qui vont dire Le Pen, par exemple, c'est Hitler, ou Sarkozy, c'est Vichy, à mon avis, ils se trompent. Et ça peut permettre de mobiliser les gens, parce qu'ils disent, les gens vont dire, oh là, c'est vraiment dégueulasse, mais on est dans une autre logique. Si vous voulez, on est dans une logique où c'est un nationalisme adapté à l'âge des médias et adapté à une société démocratisée. Même le Front National, aujourd'hui, ne parle plus de renverser la démocratie. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui une sorte d'acceptation des institutions, tout au moins peut-être en apparence, je ne veux pas entrer dans le débat, mais les projets politiques s'inscrivent dans un cadre qui est démocratique. Vous avez un autre élément. C'est la logique, je pense que c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a inventé, la logique des petites phrases. Mais je vous dis, Maurras, par exemple, ou Céline, je ne sais pas si vous avez lu, il ne faisait pas des petites phrases. Il disait explicitement qu'il voulait l'extermination des Juifs. Il disait les métèques, racailles, les étrangers, les nègres, etc. Tout ça était dit explicitement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, puisque de toute façon, heureusement, il y a des lois qui pénalisent ce genre de choses. Mais malgré tout, vous pouvez diffuser ce type de représentation. Grâce à la logique des petites phrases, vous dites le début d'une phrase et puis vous mettez des points de suspension. Vous n'avez pas besoin de dire toute la phrase parce que ce sera commenté. Et qui est-ce qui commente? Eh bien justement, c'est l'industrie de l'information spectacle. Et si vous tenez des propos raisonnables dans l'espace public, aucun journaliste ne vous tendra son micro, sauf quelques-uns, bien sûr. Mais je veux dire les journalistes dominants. Alors que si vous faites dans la provocation, là tout de suite, on se tourne vers vous. Et nous, ça nous scandalise en tant qu'historiens. Quand on a vu ces espèces de batailles, de mémoriels pour savoir quelles étaient les principales victimes, s'il fallait dire que les victimes de l'esclavage étaient plus à plaindre que les victimes de la Shoah, mais on se dit, mais dans quel monde on vit, hein ? Dieudonné contre machin, etc. Et dans le même temps, les historiens qui font des travaux sérieux, argumentés là-dessus, on ne leur donne pas la parole. Donc voyez bien que derrière les porte-paroles, il y a quand même une machine médiatique qui a besoin constamment de faire dans le spectacle. Et c'est de ça aussi qu'on souffre. Et moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Sarkozy, qui savait délibérément que l'élection se jouerait sur le déplacement des voix du Front National vers l'UMP, eh bien, avec ses conseillers en communication, qui sont très nombreux, vous le savez, eh bien, a élaboré une rhétorique lui permettant de remettre en circulation les thèses nationalistes, mais dans un vocabulaire qui eh bien, est considéré comme correct, hein, politiquement correct, etc. Et ce que j'ai montré, c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans le petit livre qui s'appelle « À quoi sert l'identité nationale ?» En montrant, j'ai fait une analyse très serrée des discours de Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale. Ils sont tous, vous pouvez les consulter, ils sont sur le site de l'UMP. En montrant que son discours sur l'identité nationale, vous savez, qui a été le moment majeur de la campagne, puisque tous les commentateurs disent que c'est à ce moment-là que ça a basculé. Hein. C'est à ce moment-là qu'il a récupéré les voix du Front National, puisque 88% des électeurs du Front National ont trouvé ça formidable. Hein. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y avait la majorité. Eh bien, quand on regarde de près ce discours, on s'aperçoit que c'est la matrice que j'ai présentée tout à l'heure du nationalisme. C'est-à-dire, l'identité nationale, dans le discours de Sarkozy, elle est présentée toujours comme une entité menacée par l'étranger. Encore aujourd'hui. Donc, c'est ça la définition du nationalisme. Mais, ce qu'il faut ajouter aussitôt, c'est que l'étranger, il n'est pas nommé explicitement. Vous ne trouverez jamais, dans aucun des discours de Sarkozy, je ne dis pas, bon, il y a eu les propos à la télévision sur les moutons dans les baignoires, égorger les moutons dans les baignoires, etc. Mais dans ses discours politiques, il ne dira jamais les musulmans, l'islam, etc., etc. Le mot qu'il utilise constamment, c'est le mot communautarisme. C'est ce terme qui sert dans les discours de Sarkozy à désigner l'étranger tel qu'il est perçu dans la tête des gens. Alors on va se dire, mais communautarisme, il faudrait peut-être définir. Ce mot-là, il n'existait pas il y a 25 ans dans la langue française. Personne ne savait, ou 30 ans, si vous voulez. Aujourd'hui, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est. Eh bien, pourquoi ? Parce que tous les gens, justement, regardent la télévision le soir aux 20h, et depuis 25 ans, on leur parle de ça tous les jours. Donc, ça devient le diable, vous voyez, la diabolisation, l'ennemi qui menace, il est représenté par ce mot. Et l'autre mot qui est lié à celui-là, c'est le mot clandestin. Voilà, les deux mots qui sont essentiels pour définir l'ennemi dont il faut se protéger pour sauver l'identité française, c'est communautarisme et clandestin. Voilà la matrice de ce discours, et c'est pour ça que pour moi, c'est un discours nationaliste, adapté à notre époque. Et évidemment, lié à ce discours, on a vu surgir la proposition de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc c'était associer ces deux mots. Eh bien, historiquement, si vous voulez, l'association de ces deux mots a toujours été véhiculée par les discours nationalistes. Donc la création de ce ministère était une manière de concrétiser le nationalisme, mais je dirais en allant peut-être plus loin que la limite antérieure. Puisque auparavant, bon, vous ayez des partis politiques qui aient des discours nationalistes, c'est le vocabulaire politique, c'est le champ politique. Mais à partir du moment où l'État français, au nom des valeurs républicaines en plus, reprend cette expression, il y a un seuil qui est franchi, parce qu'elle est institutionnalisée, comme on dit. Ça devient du vocabulaire d'État. Et pour la plupart des gens, le vocabulaire d'État, il est neutre. Donc, vous voyez, on crée du réflexe. Et moi, je crois que l'essentiel de ce qu'on appelle le racisme ou la xénophobie, ça part de là. Ça part de réflexe. C'est plus de l'ordre du goût et du dégoût qu'autre chose. On est assez démuni dans le combat qu'on mène contre le racisme, parce que quand c'est à un niveau tellement primaire, on pourrait dire, du réflexe, c'est extrêmement difficile, puisque nous, on croit aux arguments, on croit à la discussion. Et en face, on a des gens qui n'y croient pas, qui peuvent dire d'ailleurs le contraire le lendemain de ce qu'ils ont dit la veille, etc. Donc on est là dans une nouvelle logique, ce qui explique aussi, peut-être, je ne veux pas dire la haine, mais enfin l'agressivité de beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens de mon milieu à l'égard de Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas non plus tellement ça, hein, c'est ce que je dis dans ce petit livre. Nous, on n'a pas intérêt à être sur le plan de la polémique, il faut être sur le plan de la critique, de l'analyse, mais respecter les personnes. Il faut faire attention à ça, hein, parce qu'il y a une dérive là qui a été parfois franchie et qui peut être parfois franchie. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Je pense qu'il faut rester au niveau de l'analyse et de l'argumentation, parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra peut-être élaborer des contre-offensives. Mais ça, évidemment, c'est un autre débat. C'est un autre débat et qu'on pourra peut-être aborder dans une prochaine intempestive. C'était donc Gérard Noiriel lors d'une conférence à l'Université populaire de Gennevilliers début janvier. Vous retrouverez cette émission intégralement en ligne sur www.intempestif.net, ainsi d'ailleurs que les questions du public à Gérard Noiriel. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion, vous trouverez dans toutes les bonnes librairies et toutes les bonnes bibliothèques « À quoi sert l'identité nationale ?» paru aux éditions Agone en 2007 et « Immigration, antisémitisme et racisme en France 19e-20e siècle » Discours public, humiliation privée, paru chez Fayard, toujours en 2007. Vous pouvez également aller faire un tour sur l'excellent site du Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, cvuh.free.fr. Et à quoi vous a servi, Monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.